Module 5, étude 1. Communicabilité des esprits et influence sur nos pensées et nos actes et sur les événements de la vie. Allan Kardec questionne les esprits supérieurs. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions? Sous ce support, leur influence est bien plus grande que vous ne le croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. La réponse donnée par les esprits ne doit pas nous surprendre, car si nous analysons le sujet en faisant une comparaison avec ce qui se passe dans nos rapports sociaux, nous arrivons à la conclusion que nous vivons dans une syntonie permanente avec les gens qui nous entourent, proches ou non, dont nous subissons les influences par les idées qu'ils expriment et les exemples qu'ils nous donnent. De la même façon, nous les influençons par nos idées et notre comportement. La même chose se passe naturellement avec les habitants du monde spirituel, qui ne sont que des êtres humains désincarnés et qui n'ont pas changé leur façon de penser ni les caractéristiques de leur personnalité après avoir laissé leur corps physique. Ainsi, nous sommes la cible de l'attention des bienfaiteurs et amis spirituels. Comprenons les parents et amis de cette réincarnation ou d'une autre et qui, au-delà du tombeau, souhaitent continuer à nous aider. Mais aussi de ceux à qui nous avons causé des torts par des actes plus ou moins graves dans cette vie ou dans les vies passées et qui nous poursuivent pour nous réclamer les dettes que nous avons envers eux. Ainsi, la réponse des esprits à Kardec nous donne une notion précise de l'échange existant entre les esprits désincarnés et incarnés, échange réel et constant. Le spiritisme nous fait comprendre la manière dont s'exerce l'influence des esprits sur le monde corporel. Cette influence réside dans la possibilité de la transmission de pensées. Pour se rendre compte de comment la pensée se transmet, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici-bas, nous le sommes dans l'atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté. C'est le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son. Avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites, tandis que celles du fluide universel s'étendent à l'infini. Lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné, ou de désincarné à incarné, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. La doctrine spirite nous enseigne aussi que c'est au moyen du périsprit que les esprits agissent sur la matière inerte. Sa nature éthérée ne saurait être un obstacle, puisqu'on sait que les plus puissants moteurs se trouvent dans les fluides les plus raréfiés et les fluides impondérables. Il n'y a donc point lieu de s'étonner de voir, à l'aide de ce levier, les esprits produire certains effets physiques. Les esprits agissant sur la matière peuvent se manifester de plusieurs manières différentes. Par des effets physiques, tels que les bruits et le mouvement des objets, par la transmission de pensées, par la vue, l'ouïe, la parole, le toucher, l'écriture, le dessin, la musique, etc. En un mot, par tous les moyens qui peuvent servir à les mettre en rapport avec les hommes. Il découle de ces enseignements que les esprits exercent une influence directe sur les événements de la vie, au moyen de la transmission de pensées et par leur action directe sur le monde matériel, le tout selon les lois de la nature. Si l'influence des esprits sur nos pensées est telle que, ordinairement, ce sont eux qui nous dirigent, il faut savoir identifier la nature de cette influence afin de ne pas tomber sous l'influence des esprits imparfaits. Comment distinguer si une pensée suggérée vient d'un bon ou d'un mauvais esprit? Demande Kardec aux esprits supérieurs. La réponse des bienfaiteurs de l'humanité est un appel à notre bon sens. Ils disent « Étudiez la chose. Les bons esprits ne conseillent que le bien. C'est à vous de distinguer. » Les esprits imparfaits sont des instruments destinés à éprouver la foi et la constance des hommes dans le bien. Toi, étant esprit, tu dois progresser dans la science de l'infini. C'est pour cela que tu passes par les épreuves du mal pour arriver au bien. Notre mission est de te mettre dans le bon chemin et quand de mauvaises influences agissent sur toi, c'est que tu les appelles par le désir du mal, car les esprits inférieurs viennent à ton aide dans le mal quand tu as la volonté de le commettre. Ils ne peuvent t'aider dans le mal que quand tu veux le mal. Si tu es enclin au meurtre, eh bien, tu auras une nuée d'esprits qui entretiendront cette pensée en toi, mais aussi tu en as d'autres qui tâcheront de t'influencer en bien, ce qui fait que cela rétablit la balance et te laisse le maître. C'est ainsi que Dieu laisse à notre conscience le choix de la route que nous devrons suivre et la liberté de céder à l'une ou à l'autre des influences concrètes qui s'exercent sur nous. Ainsi, c'est à nous seuls qu'il revient de neutraliser l'influence des esprits imparfaits. Les esprits supérieurs sont très clairs et nous en indiquent le moyen. En faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu, vous repoussez l'influence des esprits inférieurs et vous détruisez l'empire qu'ils voulaient prendre sur vous. Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale « Seigneur, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal ». Le spiritisme apporte des enseignements précieux sur l'importance de notre attitude mentale dans le sens du bien, afin de ne pas dévier du chemin que nous devons suivre vers la perfection qui est notre but. Ainsi, nous devons apprendre à maîtriser nos pensées afin d'attirer les bons esprits qui nous aideront à parcourir ce chemin, le rendront moins aride et plein de réalisations spirituelles.